Pour féliciter la réussite du 7e congrès du Parti du Travail de Corée, les représentations coréennes en Guinée équatoriale, au Nigeria, en Hong Kong de Chine, au Koweït, en Bulgarie et en France, la représentation permanente de la République populaire démocratique de Corée à l'Office de l'ONU et à l'Organisation internationale à Genève, et la représentation permanente de la République populaire démocratique de Corée à l'ONU ont abrité depuis le 12 jusqu'au 17 les banquets et séances de cinéma. Les documentaires coréens, notamment « Célébration solennelle du 70e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée » en présence du respecté camarade Kim Jong-un et « Ma patrie toujours victorieuse par l'Union » y ont été projetés. Les diplomates coréens ont invité les personnalités de différents milieux, les membres des organisations d'études et d'études justiciaires, des formations d'amitié et de solidarité avec le peuple coréen et les délégués des institutions internationales et régionales.